Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et c'est maintenant le moment de vous apprendre des choses ce matin. Oui, des choses qui sont plus ou moins utiles dans votre parcours scolaire, mais quand même, on procrastine pour vous à tous les matins. On s'appelle Lyon Desjeunes, donc pour que vous n'ayez pas à le faire, hein, on est là pour ça. Donc voici, sans plus tarder... Et maintenant, voici les tops de l'insolite! Hey, savez-vous quoi? On va avoir une version double des tops de l'insolite ce matin. Oui, on se sent généreux. Il y a plein de beaux sujets, donc on va aborder le tout. Mais bon, on va séparer avec une pub entre les deux. Mais quand même, on débute avec tout premier top, top 6 de choses qui... en fait, des gros événements qui ont été upstagés. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore plus grosses qui sont arrivées la même journée. Et oui, donc ça peut arriver quand même. Donc, ça arrive assez fréquemment. Et on débute donc avec... on va descendre de 1 à 6, puisque plus ça va, plus c'est gros. On débute avec le 5 août 1914. On introduit les lumières de trafic aux États-Unis. Donc, c'est au début du 20e siècle, bien sûr, des inventions qui allaient devenir une grosse nouvelle et qui allaient être très importantes, en fait, dans la vie de tout le monde, puisqu'avant, il n'y avait pas de lumière et il n'y avait pratiquement pas de stop non plus dans les rues. C'était assez c'était incroyable. Donc, c'était très difficile d'aller... se promener, c'est en fait c'est la première lumière de trafic électrique, mais une des premières également qui s'est retrouvée un peu partout aux États-Unis. C'était à Cleveland, mais malheureusement, ce qui est arrivé également cette journée-là, c'est que l'Allemagne a décidé d'envahir la Belgique. Et en réponse, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne et c'était le début de la Première Guerre mondiale également. Donc, ça a été quand même upstagé, même si les Américains n'allaient pas joindre la Deuxième Guerre mondiale avant 1917. On regardait quand même vers l'Europe, puisque c'était des gros partenaires financiers, entre autres, et on se demandait également qu'est-ce qui se passait. Donc, cette fameuse nouvelle-là de la première lumière de trafic, qui, veut pas, était quand même une grosse nouvelle là, pour l'époque, a été vraiment mis de côté cette nouvelle venant de l'Europe, début de la Première Guerre mondiale. On disait pas Première Guerre mondiale, bien sûr, mais quand même, c'était une grosse guerre. Je préparais une grosse guerre. Et, by the way, on vous dit également qu'à la fin de cet article-là, que entre autres, les lumières, bien, il y en avait deux, la rouge et la verte. Il n'y avait pas de jaune à cette époque-là. Eh bien, par la suite, nous avons le 25 octobre 1929... on parle d'un sénateur, le sénateur Fall, qui tombe un peu de son pied de cime. En fait, c'est que il y a toujours eu un peu de corruption hein, dans le gouvernement américain, si on le sait. Et c'était rien de nouveau en 1929. C'était donc non pas c'était par contre c'était c'était un précédent qui n'avait pas été réalisé encore, dis-je, pour un président, un membre du cabinet présidentiel, d'être envoyé en prison pour des actions de corruption au bureau. Par contre, Albert B. Fall, secrétaire de l'Intérieur sous le président Harding, a été reconnu coupable pour d'avoir fait des pots de vin, entre autres dans son rôle dans le Teapot Dome Scandal, qui était tout simplement la pression politique et nanana. Et donc, il travaillait, entre autres, il avait donné des grosses sommes d'argent à des exécutifs de compagnies d'essence, Edward Downey et Harry Sinclair, pour leur donner le contrôle. Et en fait, il avait reçu de l'argent plutôt de ces gars-là pour qu'eux aillent le contrôle de la réserve de pétrole américaine pour l'armée navale, bien sûr, pour pouvoir ramasser plus de cash. En fait, on cherchait l'exclusivité. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là également? C'est qu'il a été arrêté le jour après le Black Thursday. C'est-à-dire, le Black Thursday, c'est où il y a eu 13 millions d'actions en bourse qui ont changé de main. C'est quand même pas rien. Là. Ça s'est comme affolé sur les marchés et ça n'a pas arrêté donc de changer de gens. Et ça a amené le Black Friday, c'est-à-dire un crash incroyable sur Wall Street et où plus de 30 milliards de dollars ont perdu de valeur. Des millions et des millions d'actions ont perdu leur valeur. Les gens ont perdu leur argent. Ils étaient brisés. Bien sûr, il y a eu la bulle de spéculation qui a amené le tout. Mais bon, ça commençait de longtemps. C'est un problème qu'on aurait dû voir venir aux États-Unis, qu'on a laissé aller, le fameux laissez-faire économique. Mais bref, ce sénateur qui devait, ben en fait, qui était allé en prison quand même, mais qui devait faire la première page des journaux, a été upstagé, comme on peut dire en bon français. La nouvelle a été dépassée par celle du crash sur Wall Street. Par la suite, nous avons la naissance du communisme au Vietnam, en numéro 3, bien sûr, de ce top de l'insolite sur les choses qui ont été tassées un peu des nouvelles par d'autres choses de plus grande importance. Et donc, de moins grosse importance, dépendant, mais bon, quand même. Le 2 septembre 1945, en fait, c'est le général MacArthur qui accepte la reddition, oui, inconditionnelle des Japonais devant les États-Unis, bien sûr. C'était au USS Missouri. C'était la célébration, en fait, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque donc l'Allemagne avait tombé et par la suite, il restait tout simplement à faire tomber le Japon, bien sûr. Et cette présentation des armes devant le MacArthur était simplement l'officialisation donc ce traité de paix en fait était l'officialisation de la fin de la guerre. Mais par contre, c'est quand même bizarre. Il y a des choses qui sont comme tombées d'un autre côté, qui ont comme passé inaperçues, c'est-à-dire la déclaration du communisme au Vietnam. Donc, c'est-à-dire que Hirohito et Ho Chi Minh, mais c'est pas la même chose. Hirohito, c'est l'empereur japonais. Je me mélange dans mes références historiques. Mais quand même, donc, Ho Chi Minh prend le pouvoir au Vietnam, renomme la République démocratique du Vietnam. Et il déclare également indépendant de la France. Et donc, ça a été suivi par des essais de violence un peu partout et des confrontations entre les Vietnamiens et les Français, ainsi que ça a en fait aussi aidé, non pas aidé, mais ça a amené plutôt les gouverneurs britanniques à déclarer la loi martiale sur le Vietnam. Je sais pas qu'est-ce que les Britanniques avaient rapport là-dedans, mais quand même. C'est le lancement un peu du communisme au Vietnam, communiste qui était tellement bien vu dans le monde à cette époque-là. Hein, la Chine et l'URSS qui étaient communistes, et on sait ce qui est arrivé. Guerre froide oblige, guerre du Vietnam qui a suivi dans les années 60-70. Donc, c'est cette journée-là, dans le fond, à la fin d'une guerre qui allait en préparer une autre pour plus tard. Mais que ça a quand même passé inaperçu à cause de, justement, cette reddition des Japonais devant les Américains. C'était le 2 septembre 1945. Par la suite, nous avons au numéro 4 de ces tops de l'insolite, choses qui ont été en fait tassées par des nouvelles plus importantes ou moins importantes, tout dépendant, mais vous allez voir, celle-là est quand même assez grosse. Le 22 novembre 1963, on lance la Beatlemania. La Beatlemania où? On la lance aux États-Unis, bien sûr. Et donc, on parle bien sûr que c'était difficile, mais vraiment difficile, dans les années 60, de upstager les Beatles. Et là, j'utilise le terme en anglais parce que j'en ai pas qui m'explose en tête, là, mais quand même, donc qui viendrait traduire comme il faut ce qu'on essaie de dire, mais quand même qui dépasse les Beatles. C'est assez difficile à cette époque-là. Par contre, il y a quelque chose qui peut aider à donc upstager ça, mais avant tout, on va vous expliquer, c'est que donc on lançait les premiers succès des Beatles, les premières pièces. Ces pièces qui en fait c'est tiré, c'est l'album tout simplement Meet the Beatles, qui était With the Beatles aux États-Unis, mais bon, non pas aux États-Unis mais en Angleterre, et donc on changeait quelques pièces, mais bref, on lance cet album là aux États-Unis le 22 novembre 1963 et on se dit waouh, là ça va partir les Beatles. Et qu'est-ce qui arrive la même journée? Le président John F. Kennedy se fait assassiner à Dallas. Et oui, c'est arrivé la même journée que le lancement du second album des Beatles, mais quand même qui a créé la Beatlemania, parce que, bon, aux États-Unis, c'est le premier album qui est sorti, donc je ne ferai pas un résumé trop long de ça. Mais bref, ce qui est arrivé, c'est que John F. Kennedy a upstagé les Beatles, a tassé les Beatles à nouvelle, mais quand même, c'est une grosse, grosse nouvelle. Un président qui se fait assassiner, on n'est pas content de cela, mais bref, c'est quand même une coïncidence assez importante, assez bizarre. Par la suite, le 5 février, non pas le 5 février, mais plutôt le numéro 5 de ce top 6 de l'insolite, sur des choses qui sont arrivées bizarrement la même journée. Le 14 février 1989, le GPS est lancé. Bref, premier lancement de ce Global Positioning System. Eh bien, qu'est-ce qui pouvait arriver de plus cette journée-là, en fait? Donc, le GPS est lancé, c'est les premiers 24 satellites du GPS sont placés en orbite et donc commencent à fonctionner. Ça devient un facteur important à la vie. Beaucoup de gens donc vont s'intéresser à ça, mais bizarrement, ça passe comme inaperçu dans les nouvelles. Pourquoi? Parce que l'ayatollah Khamenei lance un message méchant de Saint-Valentin, on doit dire c'est le 14 février 89, à l'auteur Salman Rushdie, puisque Rushdie a écrit la nouvelle The Satanic Verses, ça a été accusé de blasphème pour l'islam. Et Khamenei, entre autres, dit que tous les gens qui ont participé à cette publication doivent être sentencés à mort. Et donc, c'est un peu mettre un prix sur la tête de cet auteur Salman Rushdie, plutôt. Et c'est une nouvelle qui facilement peut tasser le GPS, franchement, là, surtout qu'on ne savait pas c'était quoi GPS généralement dans les journaux. Et donc, par la suite, nous avons le 4 juin 1989 qui est terminé ce top 6 de l'insolite de deux choses, en fait, choses communes qui sont arrivées la même journée et qui se sont un peu tassées des nouvelles. On a le 4 juin 1989, plusieurs choses, en fait, qui sont arrivées. Entre autres, nous avons cette journée-là, et là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses en même temps, des choses importantes quand même. On a le 4 juin 1989, la mort de l'ayatollah Khamenei, le gars qui venait juste de déclarer donc que tout le monde devait mourir, qui avait participé au verset satanique. Mais bref, donc, il est décédé. C'était l'ennemi numéro un des États-Unis sur la liste donc des gens... les plus recherchés par le FBI, lui qui était bien sûr en Iran. Par la suite, on a également la première élection libre en Pologne où Lech Walesa et son parti Solidarité a gagné, quand même grand président de la Pologne. Par la suite, on a également une explosion qui a eu lieu en Russie qui a fait dérailler deux trains, 575 morts et plusieurs jeunes enfants qui s'en allaient en vacances. Des vacances, bien sûr, d'été, qui sont décédés, 575 personnes, c'est très triste. Et également, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? Eh bien, en fait, il y a plusieurs étudiants qui se sont regroupés dans un endroit public, dans un pays asiatique, là, je ne sais pas si vous me suivez, en Chine, un certain endroit qui s'appelait Tiananmen Square. Et bien sûr, donc, on parle d'environ des dizaines de milliers d'étudiants qui étaient présents. On parle d'environ 10 000 blessés, 2600 morts. On parle des tanks qui ont roulé dans Tiananmen Square. Bien sûr, c'est tout ça, c'est arrivé le 4 juin 1989. Donc, pour récapituler seulement que ce numéro 6, on a la mort de l'ayatollah Khamenei la même journée qu'on a également la première élection libre en Pologne, c'est-à-dire qu'il venait de tomber derrière le mur de fer, vous savez, la guerre froide et tout. Par la suite, on a déraillement de deux trains en Russie qui fait 575 morts et on a également Tiananmen Square qui arrive la même journée. Là. Ça fait beaucoup de nouvelles. Je pense que tu peux faire deux éditions de ton journal juste avec ça. Et encore là, t'en as pas assez. Au moins trois cahiers spéciaux. C'est quelque chose. Donc, c'était les tops insolites de ces choses qui sont arrivées. Deux choses qui sont arrivées la même journée qui se sont battues, bref, pour avoir le numéro un dans les nouvelles et avoir la page couverture, la page titre, qui ont été un peu déplacées. Quand même, le numéro 6, c'était assez important. Vous voyez donc pourquoi je commence par le numéro 1 en descendant jusqu'au 6, parce que le 6 était assez chargé, merci. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job, job, out. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR.